Entendez-vous ces cris de haine venant d'un pays massacré, torturé, privé de ses droits pour un simple mot, la ilaha illallah. Sans aucune pitié, ils démolissent les quartiers, torturent nos enfants, brûlent nos mosquées sans aucune raison, sans aucune pitié, parce que t'es musulman. Oh, cri de Bosnie, oh, cri de Bosnie, oh, cri de Bosnie, c'est l'histoire d'un peuple massacré. Oh, vous frères qui vous battez, ne perdez pas espoir, viendra le jour du jugement où éclatera la justice d'Allah. Oh, vous musulmans, ne les oubliez pas, ne les négligez pas, faites un geste pour eux, car lui Dieu vous voit, il vous jugera sur ce crime-là. Oh, vous musulmans, ne les oubliez pas, ne les négligez pas, faites un geste pour eux, car lui Dieu vous voit, il vous jugera sur ce crime-là. Ils se font torturer, ils tuent nos enfants, violent nos sœurs, ni pitié ni sentiment, sans aucune raison, sans aucune pitié, parce que t'es musulman. Entendez-vous ces cris de haine venant d'un pays massacré, torturé, privé de ses droits pour un simple mot, la ilaha illallah. Sans aucune pitié, ils démolissent les quartiers, torturent nos enfants, brûlent nos mosquées, sans aucune raison, sans aucune pitié, parce que t'es musulman.